Les Bretons dans la tourmente de la Grande Guerre et un pain de la liberté au blé noir, au jus de pomme et aux graines de lin. Écrit par Hélène du Guezouvraz, lu par Armen pour audiocité.net. La victoire avant tout sera de bien voir au loin, de tout voir de près, et que tout est un nom nouveau. La victoire calligramme Apollinaire. On sait que les Bretons ont payé un très lourd tribut lors du premier conflit mondial, ce qui a d'ailleurs été l'occasion de vifs échanges et d'âpres polémiques autour des chiffres. On a longtemps soutenu que 240 000 Bretons y avaient été sacrifiés, souvent en première ligne. Si le chiffre de 140 000 est sans doute plus près de la vérité, il n'en reste pas moins que cette épouvantable saignée et son corollaire, la cohorte des gueules cassées et des vies brisées a durablement marqué la région. Les monuments aux morts qui émaillent les villes et les bourgs témoignent de ces vies fauchées, comme celui de Bottmeur, édifié par Jean le Rumeur, granitier au Huelgoat, achevé le 15 février 1925 et qui égrène le nom des 41 Bottmeuriens morts pour la France pendant la Der des Der, pour une population d'un peu plus de 700 habitants. Si le Finistère ne fut évidemment jamais un théâtre des hostilités franco-allemandes, la petite histoire retiendra qu'on y entraîna les jeunes recrues à la vie dans les tranchées, à Plouédernes par exemple, ou à Huelgoat, ville de garnison qui accueillit le centre d'instruction du 72e régiment d'infanterie entre 1915 et 1916. En effet, après l'occupation allemande de la ville d'Amiens en août 1914, le dépôt de son corps militaire fut transféré à Morlaix. Son centre d'instruction fut installé au Huelgoat pour profiter de la gare ferroviaire de Locmaria, proche de Morlaix, de ses nombreux hôtels pour loger les soldats, de sa caserne comme commandement, des chambres de l'hospice, devenues une infirmerie et un lieu idéal pour des terrains d'entraînement militaire, les tranchées de la Grande Guerre de la vallée de la rivière de Kerbissien témoignent encore aujourd'hui de cet épisode oublié. Dans le même temps, à Brest, les casernes de Pontanezen, datant de Napoléon et aujourd'hui disparues, ont accueilli en 1917 les premiers soldats américains à Brest, qui devint alors le port de la Première Guerre mondiale sous l'étroite surveillance des submersibles allemands qui croisent en nombre en Manche comme en Atlantique. Si les autorités pensaient y cantonner initialement 4500 hommes, la capacité ne cessa d'augmenter au fur et à mesure des besoins, avec des constructions en tôle ondulée, en bois ou en toile. Le 25 mai 1918, Pontanezen accueillait ainsi 45 000 hommes. En juin 1919, Pontanezen était plus peuplé d'Américains que Brest de Brestois, 80 000 contre 67 000. Évidemment, cela ne fut pas sans influence sur la vie quotidienne. Le commerce local fut le premier à en tirer des bénéfices, à tel point que Morlaix lorgna aussi sur cette manne de guerre, invitant les Américains à venir sur place constater ce que la cité du viaduc pouvait leur apporter. Au départ des Américains de Brest, de nombreux habitants se lanceront dans le lucratif commerce des surplus, ces marchandises laissées derrière elles par l'armée US. Au Guezou comme ailleurs, les témoins du terrifiant premier conflit mondial ont depuis longtemps rendu leur dernier soupir, et il ne reste aujourd'hui que des lambeaux embrumés de souvenirs par procuration. Par exemple, bien qu'ayant combattu et ayant été gravement blessé à la tête en 14-18, un paysan du nord du hameau, né en 1893, fut mobilisé à nouveau en août 1939, comme bien d'autres anciens combattants de son âge. On raconte que ce survivant des tranchées s'en émut et s'insurgea. C'est la guerre de nouveau. C'est quand même terrible de faire deux fois du feu avec le même bout de bois. Ce qu'il avait bien sûr prononcé en breton. Ma brezeldare, memes traeo abominable, obertandiovec and memes botkenet. Au retour de la Grande Guerre dans les années 20, il avait passé son permis de conduire, même s'il n'eut jamais ni voiture ni tracteur. Le sachant, les instances militaires voulurent le recruter comme chauffeur. Mais il refusa, craignant sans doute d'être affecté loin de chez lui, car son épouse était enceinte et devait accoucher en février 1940. Il se contenta donc de régler la circulation dans la ville de Brest. On est puceau de l'horreur comme on l'est de la volupté, fait dire Céline à son personnage Bardamu dans Voyage au bout de la nuit. En souvenir de ces Bretons déracinés, souvent considérés comme ploucs, alcooliques et arriérés, précipités comme d'autres dans la fureur d'un conflit apocalyptique, rompre et partager le pain de la liberté au blé noir, au jus de pomme et aux graines de lin. Pour un gros pain de la liberté consolateur, 600 g de farine d'épeautre bio, 400 g de farine de blé noir complet bio, un sachet de levain déshydraté bio, 20 g de sel gris de Guérande, 260 g de jus de pomme maison, 260 g d'eau de source à température, une belle poignée de graines de lin dorées, 4 à 5 cuillerées à soupe bombées. La veille, dans la cuve du robot pâtissier muni du crochet, versez l'eau tiède sur le levain et laissez gentiment mousser dans un endroit tiède pendant une dizaine de minutes. Ajoutez alors le jus de pomme, les farines, le sel et le lin. Enclenchez le robot pour un pétrissage vitesse lente pendant au moins 10 à 15 minutes. Récupérez au bout de ce temps la boule de pâte, la placer dans un grand saladier ou une bassine, la couvrir d'un film plastique au contact et laisser pousser dans un endroit frais, cellier ou réfrigérateur, pendant au moins 12 heures ou plus. Le jour J, débarrassez la pâte qui a considérablement gonflé sur un plan de travail fariné. Façonnez sans trop travailler la pâte un pain oblong en forme de miche, par exemple. Saupoudrez de farine à l'aide d'un chinois et laissez pousser à nouveau. Pendant ce temps, préchauffez le four, chaleur statique, sur 250 degrés. Avant d'enfourner, entaillez le pain sur toute la longueur et placez un plat métallique contenant de l'eau bouillante sur la sole du four. Enfournez pour 20 minutes sur 250 degrés, puis 20 autres minutes sur 200 degrés, toujours sur chaleur statique et enfin sur 200 degrés en chaleur tournante. Posez le pain sur une grille et l'écoutez chantonner.